À l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'Héroïque Armée Populaire de Corée, le ministère des Forces Armées Populaires a ouvert le 21 courant une séance de film pour le corps des attachés militaires en Corée. Y ont participé les membres du corps des attachés militaires et les officiers de l'Armée Populaire de Corée. Les participants ont vu le film documentaire coréen présentant les exploits immortels du dirigeant suprême Kim Jong-un, l'histoire de la lutte héroïque de l'an 2016 marquée de l'éminente direction et de la grande victoire nationale.